jeune femme de 23 ans. Donc, elle dit qu'elle est contente d'être grand-mère, mais qu'elle souhaitait autre chose pour sa fille Maria et autre chose pour elle-même, bien sûr, a déclaré Rivka au Sun. Ion est un bon garçon. Il est déjà fiancé à une jeune fille. OK. Son jeune est déjà fiancé à une jeune fille âgée de 8 ans. Il est toujours bien d'avoir un garçon. Ils n'ont pas à souffrir autant que les filles. OK. Née en 85, Rivka, alors âgée de 11 ans, a dédié à sa famille, a défié sa famille pour partir avec Ionel Stanescu, un bijoutier de 13 ans. OK, un bijoutier. Il était déjà bijoutier à 13 ans. OK. Moins d'un an plus tard, la jeune fille s'est mariée et est tombée enceinte. Elle voulait se marier avec elle, dit-elle, et elle acceptait de passer la nuit avec lui. Après ça, rien ne pouvait les séparer encore, explique-t-elle. Elle avait promis à d'autres garçons à l'âge de... Elle avait été promis à l'âge à un autre garçon à l'âge de 2 ans, mais elle n'en voulait pas. Donc, on voit que la réalité est pas mal différente dans le coin de la Roumanie. Elle a aussi expliqué qu'il est traditionnel en Roumanie d'avoir des enfants très, très tôt. Et je la cite encore, « Je n'ai pas essayé de convaincre ma fille de ne pas se marier, car c'est la tradition, c'est arrivé, voilà tout. » À noter que la mère de Rivka est, avec cette naissance, devenue arrière-grand-mère à seulement 40 ans. OK, toute une histoire. J'aime autant mieux vivre dans nos souliers ici même au Canada. On apprend qu'aux États-Unis, un divorce sur 5 est lié à Facebook. Hein, peut-être qu'ici aussi, hein, parce que souvent, on est en Amérique et ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est une étude américaine qui a révélé qu'aux États-Unis, Facebook était cité dans plusieurs cas, donc un cas de divorce sur 5. Et cette étude a été réalisée par l'Université de Loyola. Elle a également dévoilé que 81% des avocats ont constaté une augmentation des preuves provenant de sites des réseaux sociaux durant ces 5 dernières années. Le site Facebook n'est pas le responsable direct, bien sûr, des divorces, car avec ou sans ce site, les couples auraient divorcé, mais les données du site entrent en jeu dans 20% des cas de divorce. Pour le psychologue Stephen Kimmon, le réseau social facilite le retrouvaille entre d'anciens ou ex-amis seulement les conversations peuvent rapidement devenir plus intimes. Il explique ainsi, et je le cite, qu'au bout de quelques temps, ils partent dans des conversations personnelles qui augmentent leur degré d'intimité et peut les amener à avoir des contacts physiques. Il dit qu'il ne pense pas qu'ils soient en général le type de personne à tromper leur conjoint, mais c'est surtout la curiosité qui les porte à aller un peu plus loin. Les confidences livrées par la suite peuvent être considérées comme étant une certaine forme d'infidélité du partenaire, même s'il n'y a pas consommation finalement physique. D'après un récent sondage organisé par l'Académie américaine des avocats matrimoniaux, Facebook est le site le plus souvent cité dans les cas de séparation. Ainsi, 66% des couples qui font appel au site de réseaux sociaux pour faire émerger des preuves mettent en avant les informations trouvées sur Facebook. Ben, on l'apprend, puis en même temps, on s'en doutait un petit peu. Et puis, je vais vous laisser sur une petite article comme ça, et puis vous irez voir les images sur la page Facebook du Dîner de cons. On vous parle d'une combinaison miracle qui fait grossir la poitrine. Une vidéo diffusée sur le web montre une émission de téléachat asiatique avec un clip pour le moins étonnant. Il montre les bienfaits d'une combinaison qui ressemble à un corset et qui permet à la fois d'affiner la silhouette et de faire grossir la poitrine. Ainsi, terminer le Wonder Bra ou le sport ou le régime, cette lingerie miracle permet sans aucune difficulté de rosser la poitrine et de rendre votre corps d'une apparence parfaite. Parce que si dans l'article, on dit vous rendre le corps parfait, c'est plutôt d'une apparence. Sans parler un mot de mandarin, vous comprendrez parfaitement où veut en venir ce petit film promotionnel. Les grosses ficelles du téléachat sont parfaitement utilisées avec des filles au physique avantageux qui sentent, donc qui se servent de ce corset et en ont pas vraiment besoin. Des images de synthèse servent à expliquer les propriétés magiques du vêtement ainsi que des illustrations du type avant-après. Il ne reste plus qu'à vous faire votre propre idée de ce clip qui reste hypnotique pour la jante masculine, quand même. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Okay, donc, pouce en l'air, ça veut dire beau travail. Doigt en l'air, ça veut dire quoi, ça? Numéro 1. T'es numéro 1. Number 1, OK. Deux pouces, à deux doigts en l'air, mettons. Ça doit être... Je m'en vais aux toilettes, 2 minutes. Bon.

T'sais, on se promène dans quelque chose des vagues. Voilà. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Steph. À la semaine prochaine avec une autre chronique, ton plat favori. Oui, et j'espère ne pas avoir à risquer ma vie pour venir vous voir. On n'en veut plus de la neige. Hein? Oh non. J'en on est à nous. La radio est un sport dangereux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et voici justement l'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. Salut Chani. Salut Danny. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben ça va quand même bien. Là, on s'en sort hein, aujourd'hui. C'est assez difficile. Les transports, en tout cas, c'est pas facile. Effectivement. Ça m'a juste pris 2 heures venir à l'école aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui vont avoir mal au dos à pelleter puis tout ça, puis ils vont aller vous voir. Oui, ben oui, c'est bon pour nous autres. De quoi on parle à l'ajustement cette semaine? Ben comme l'hiver tarde à nous laisser. Oui, elle est persistante. Elle est persistante. Et puis comme je parlais avec Charles-André à l'instant, qui pense avoir un début de rhume, je veux vous parler de chiropratique et du système immunitaire. Ben parfait, ça, c'est dans le ton. Donc, comme on a encore plusieurs grippes, puis là, plus on approche du printemps aussi, là, c'est la saison des gastro qui s'installe. C'est bon d'avoir un bon système immunitaire, bien en santé. Là, plusieurs personnes vont y aller de leur remède de grand-mère pour se booster. Puis là, ça, il y en existe plusieurs. Mais moi, je veux vraiment m'attarder à ce que la chiropratique peut faire sur le système immunitaire. En fait, à ce jour-là, je dois mettre en garde, il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet, malheureusement. Okay. C'est encore un domaine où on a beaucoup à explorer encore. Par contre, ce qu'on sait à ce jour, c'est que le système immunitaire, lui, est contrôlé par le système nerveux. Donc, comme dans les premières chroniques, on a expliqué, la chiropratique, c'est vraiment le but des ajustements chiropratiques, c'est d'enlever l'interférence sur le système nerveux afin qu'il puisse bien fonctionner. Alors, on peut s'attendre à ce qu'on ait un effet sur le système immunitaire. Et comment ça fonctionne, ces deux systèmes-là, pour qu'ils communiquent ensemble? Et c'est par le biais de neurotransmetteurs ou de neurohormones. OK. Donc, ce qui arrive, c'est que le cerveau va fabriquer différentes molécules qui, elles, vont pouvoir communiquer avec le système immunitaire. Le système immunitaire, lui, se retrouve à plusieurs endroits dans notre corps, en fait. On a plusieurs organes où... il va y avoir de vraies petites usines qui vont... Des petits soldats. Exactement, des petits soldats. On a les ganglions, la rate, par exemple, qui sont deux endroits où on va retrouver beaucoup de travail immunitaire qui est fait à ce niveau-là. Et donc, le système nerveux va communiquer avec ces organes-là via le système nerveux autonome. Oh! Parce que là, il faut comprendre que le système nerveux se divise en plusieurs systèmes, mais le système qui est vraiment spécifique au système immunitaire, c'est le système nerveux autonome. Donc, à ce jour, là, je vais vous parler un peu plus, encore plus de termes scientifiques. Plus technique, là. Il y avait une étude qui a été menée en 2007 qui dit que les cellules immunitaires posséderaient un récepteur pour tous les neurotransmetteurs et les neurohormones connus à ce jour. Donc, c'est clair qu'il y a un lien entre les deux, que le système nerveux peut venir contrôler le système immunitaire. Et puis ça, ce sont des récepteurs qui sont vraiment dynamiques, qui vont être influencés par les tissus environnants, puis qui vont moduler leur activité selon ce qui se passe dans l'environnement. Okay. Donc, par exemple, s'il y a une inflammation chronique, quelqu'un, disons qu'il y a une douleur aux épaules, là, les douleurs typiques d'étudiants, là, parce qu'on passe des heures à étudier, à faire des travaux sur l'ordinateur avec une mauvaise posture. Donc, on vient avec une inflammation chronique, par exemple, au niveau des épaules. Et du coup, eh bien, les récepteurs adrénergiques et aux glucocorticoïdes vont réagir davantage ou moindrement à cause qu'il y a cet état d'inflammation qui est là de façon chronique. Dans le fond, tout est relié, là. Exactement. Même au niveau cellulaire, donc nos petits soldats dans notre système immunitaire, ce sont les globules blancs. Puis là, eh bien, il y a toute une variété qui travaille pour nous. Mais il y a des récepteurs au niveau des globules blancs directement qui vont être influencés directement par un paquet de neurotransmetteurs. Là, je ne vous les nommerai pas tous. Mais en fait, peut-être que... Mais vous, dans le fond, c'est de les réveiller un peu puis de les... Ben, en fait, nous, c'est d'enlever l'interférence sur le système nerveux. C'est que, bon, si, comme on avait expliqué, on a la colonne vertébrale, la moelle épinière passe dans la colonne vertébrale, tous les nerfs sortent au niveau de la colonne vertébrale. Donc, s'il y a un segment vertébral dont la mécanique est altérée, ça vient créer un dérangement local, une inflammation locale, et puis là, la racine nerveuse peut être affectée. Et si cette racine nerveuse-là innerve des ganglions ou a des fibres du système nerveux autonome à travers ces racines-là, ça va être affecté. Okay. Donc, le système immunitaire peut en être affecté et peut moins bien fonctionner que s'il n'y avait pas cette interférence-là. Donc, avec l'ajustement chiropratique, on vient enlever l'interférence, on vient rétablir l'influx nerveux le plus optimal possible et donc... le système immunitaire... peut fonctionner plus normalement. Peut fonctionner plus normalement. Ah! Effectivement. Il y a quelques cas dans la littérature, là, c'est pas des études à grande échelle ou de haute qualité scientifique qu'on dit, là, comme des randomized control trials, okay. Je sais pas comment le dire en français. Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. Mais il y a quand même quelques études. Par exemple, il y a un cas où une fillette était atteinte d'une maladie qui s'appelle la myasthénie grave. Okay. C'est une maladie auto-immune. En fait, cette personne-là crée des anticorps contre elle-même, okay, et contre son système nerveux. Et puis, ce que ça peut créer chez ces gens-là, c'est des paralysies au niveau facial, des faiblesses musculaires, etc. Et puis, après 5 mois de traitements médicaux, la pauvre petite fillette avait toujours un état qui se détériorait. Et puis, l'article rapporte qu'après seulement un ajustement, déjà, elle avait une réponse positive par rapport à ses symptômes. Donc, il y a d'autres études aussi qui ont été faites. Un cas d'un homme de 63 ans atteint de la même maladie que la petite fille. Et puis, lui, il avait des symptômes un peu particuliers. La langue lui gonflait. Il y avait des problèmes digestifs, des faiblesses des muscles au niveau des yeux. Donc, ses yeux suivaient pas nécessairement où lui voulait qu'il aille. Exactement. Des essoufflements, de la myopie, une vision double, des maux de tête. Il y avait de la difficulté aussi à coordonner son équilibre. Donc, juste le fait de marcher. C'était compliqué. Exactement. Nous, on se pose pas la question. On se lève, on marche, ça y va tout seul. Mais pour cet homme-là, avec cette maladie-là, c'était quelque chose d'assez difficile. Et puis, il a reçu des ajustements chiropratiques. Et puis, depuis ce temps-là, la myasthénie grave a pu être un problème sérieux pour ce patient-là. Puis, il a pu vivre vraiment une vie plus normale. Et puis, il n'a pas eu besoin non plus de médication après ça. Donc, ben, c'est merveilleux. Oui. Il y a d'autres recherches aussi qui ont été faites, cette fois-ci, au niveau des chiens. OK. Ça, c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on n'est pas des chiens, nous, mais... éthiquement parlant, je pense pas qu'ils auraient pu la faire sur ces êtres humains, cette étude-là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fixé des segments vertébraux dans les colonnes vertébrales des chiens. Okay. Et puis là, ils ont testé au niveau des globules blancs chaque groupe. Puis l'activité, en fait, plus spécifiquement, là, c'est l'activité des globules blancs qu'ils ont testé. Et puis le groupe qui avait eu... les vertèbres de fixer comparativement au groupe contrôle, oui, eux, l'activité des globules blancs avait diminué. Donc, ensuite, ils ont fait des tests avec des ajustements et suite aux ajustements, l'activité des globules blancs reprenait. C'est rétabli, OK. Oui, exactement. Donc, c'est tout un vaste domaine, la neuro-immunologie. C'est très intéressant, puis c'est en essor là, depuis quelques années. Il y a beaucoup à découvrir encore. Par contre, comme on connaît le système nerveux actuellement et ce qu'on sait de la chiropratique, c'est que, comme j'expliquais tantôt, on vient enlever l'interférence au niveau du système nerveux, mais ça peut être une bonne idée de se faire ajuster, surtout dans les saisons plus propices à... quand on se sent plus faible, là. Exactement. Je vais partager une tranche de vie. Vas-y, vas-y. Quand je suis devenue patiente chiropratique, moi, je consultais, je m'étais blessée dans le bas du dos. Et puis, moi, je suis une personne qui faisait des sinusites à peu près du mois d'octobre, novembre jusqu'à mars, avril. OK. Et puis, une n'attendait pas l'autre. Là. Des fois, j'avais une couple de semaines de répit, mais c'était rhume, par-dessus sinusite, par-dessus sinusite. Et puis après que je suis devenue patiente chiropratique, si j'ai un ou deux rhumes par année, c'est beau. C'est merveilleux, donc. Oui. Témoignage. Oui, témoignage, absolument. Non, mais tu peux témoigner vraiment de ce que ça a donné. Fait que... Oui, mais c'est ça. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, je suis venue en chiropratique parce que ça a changé ma vie. Donc, je veux faire la même chose. Ben, c'est merveilleux. Quelqu'un de convaincu. Oui. C'est convaincant. Certainement. Donc, un ajustement chiropratique... ça a été démontré dans plusieurs études que l'effet de l'ajustement chiropratique, ça a un rôle vraiment capital dans le rétablissement d'une irritation du système nerveux. Donc, quand on rétablit les fonctions du système nerveux, ben lui, il est capable de faire sa job comme il faut, de bien coordonner le système immunitaire, puis à ce moment-là... Puis l'information passe bien partout, finalement. Exactement. Voilà. Donc, c'est bien au-delà du système immunitaire, mais je trouvais ça intéressant ce matin de venir parler du système immunitaire en cette période... Un peu difficile. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez des problèmes, là, allez, inscrivez-vous, allez appeler à la clinique chiropratique de l'université. Là, puis, certainement. On va s'occuper de vous. C'est sûr qu'on ne remplace pas les bonnes habitudes d'hygiène de vie. Ben non, c'est clair. Se laver les mains. Bien manger aussi. Bien manger, boire beaucoup d'eau, bien dormir. Ça, c'est très important aussi. Surtout pour les fonctions immunitaires, là, le sommeil devient très, très important. Tout à fait. C'est là qu'on reprend de l'énergie un peu. Exactement. Mais faire attention, quand on sort, des fois, on sort dehors, oh, je ne mettrai pas mon chapeau, je ne mettrai pas ma tuque. Je ne veux pas déplacer mes cheveux. Ouais, c'est ça. Hein? T'es mieux de les replacer une fois rendu que de tomber malade. Exactement. Ben, merci, Chani. Merci, Dani. On vous réécoute le mercredi matin. Certainement. Dès 8h30, je pense. 8h30, exactement. Donc, durant Assemblage requis, animé de brio, de main de maître par Mathieu Plante. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, pour la Journée internationale de la femme, en ce mardi 8 mars, que des faits aient un rapport avec des femmes. Des demoiselles. Yay! Ça te va? La première personne à avoir descendu les chutes Niagara dans un baril. Je sais pas si tu te rappelles que dans le temps, c'était la mode de faire des cascades et d'être populaire. Faut être complètement fou. Complètement. Donc, la première femme à l'avoir fait dans un baril, c'était Annie Taylor, de 63 ans. Une ancienne professeure d'école, ou en tout cas, professeure de petite école, pas professeure genre comme à l'université. Ouais, ouais. En tout cas, bref. Qui avait besoin d'argent. Elle voulait devenir populaire. Donc, c'était le cas. Et ensuite, elle est morte pauvre 20 ans plus tard. Donc, elle finit par plus avoir rien pour elle, si on veut. Quand tu ramasses une cocotte par terre, une cocotte d'arbre, ouais. Savais-tu que c'est femelle, ça? Ah, non, je ne savais pas. Eh bien, c'est le cas. C'est l'Internet qui nous le dit. Femelle. Les femmes dans des concours de beauté utilisent de la bot glue, qu'on appelle en anglais, ou encore, c'est comme un spray que tu te mets sur les fesses et qui empêche ton maillot de bain de monter dans ta craque. Non, non, non. C'est vrai. Ah, ouais. La bot glue. Ça le tait. Je ne fais pas ça. C'est non, moi non plus. Ça le teint. Ça le teint. Ça fait une toile par-dessus. Ça ou du saran wrap, c'est la première chose. Une femme a réussi à résoudre un casse-tête de la Roue de Fortune. C'est l'émission de télé Roue de Fortune où tu dois... Il y a des lettres avec qui... Avec Yves Corbin? Oui, c'était pas Fais-moi un dessin, ça? Oui, sûrement que c'était lui aussi qui faisait ça. Oui, Yves Corbin. Toutes les partout. Quiz. Hein? Il est partout. Partout. Donc, une femme a réussi à résoudre un puzzle de 27 lettres avec seulement une lettre révélée. La participante Caitlin Burke a deviné ce mot de casse-tête. Oui, ce casse-tête de 27 lettres. Et a gagné un voyage. Coudonc, le féminin aujourd'hui. Je vais mettre des unes partout tellement c'est des filles. Vas-y, gâteau. Une vacance dans la Caraïbe, sur l'île de Grenada. Et a aussi gagné 6 500 $ en argent. Son collègue, son compatriote à l'émission, Rick, a deviné la première, en fait, a eu sa première chance au casse-tête et a choisi la lettre R, qui n'était pas dans le casse-tête, malheureusement. Donc, Burke a ensuite tourné la roue, a demandé un L. Là, c'était la quatrième lettre du cinquième mot. Et après quelques secondes, elle a demandé de résoudre le casse-tête. L'animateur était déjà surpris, évidemment. Et la bonne réponse, telle que devinée par Mme Burke, est « I've got a good feeling about this ».

un certain midi cette semaine. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Oui, vos cerveaux sont désormais sous mon contrôle. Et aujourd'hui, comme on est mardi, je vous présente un film qui traite de la culture rock. Et je vais parler du film Across the Universe, qui présente beaucoup de musique des Beatles. En fait, ça se trouve être un genre de comédie musicale constituée avec des chansons des Beatles. Et je vous ai amené un extrait du film aussi. C'est une chanson qui est tirée du White Album. Et on sait que le White Album, il y a deux disques. Hein? Okay. Et donc, c'est une pièce qui est tirée du deuxième disque. Ça se trouve être la sixième pièce sur le disque. Il s'agit de Helter Skelter qu'on va entendre plus tard, c'est promis. Mais en attendant, il faut savoir que ce film-là a été réalisé par Julie Taymor, qui est une metteur en scène, réalisatrice américaine née le 15 décembre 1952. Elle est tout ce qu'il y a de plus ravissante. Oh. D'ailleurs, je vous suggère fortement d'aller... C'est quoi Taymor? Julie Taymor? Taymor, avec un M. Ah. Ça se trouve être T-A-Y-M-O-R. Et donc, formée aux arts du spectacle à Paris à l'École internationale de théâtre de Jacques Lecoq, son premier grand succès populaire lui vient en adaptant et en mettant en scène au théâtre Le Roi Lion, d'après le film des studios Disney. Son nom s'est ensuite fait connaître mondialement avec le film Frida sur Frida Kahlo. La fille avec un sourcil. Oui, je pense qu'elle a un sourcil pour vrai. C'est pas une artiste cubaine, ça? Oui, c'est ça. Elle a été jouée par la jolie la chose là, dans le film. Là. Ah oui, je sais pas, j'ai pas vu le film, je connais juste l'artiste à cause que j'ai voyagé à Cuba au début de l'année et je m'intéressais beaucoup à l'art là-bas. On sait que étant donné que c'est un pays communiste, les artistes là-bas ont un excellent statut, ils sont considérés à même titre que des médecins ou n'importe quelle autre profession et à mon avis, c'est très judicieux parce que la culture, c'est ça qui donne la richesse identitaire d'une société. Privée de culture, une société privé de ses racines et privé d'une direction aussi. Donc, la culture, c'est vraiment indispensable à une société saine. Et je pense que c'est dommage que Stephen Harper l'ait oublié. Ouais. Il disait d'ailleurs que la culture, ça n'intéresse personne, Stephen Harper. Je pense que c'est horrible comme propos. C'est totalement exécrable. Donc, on pourra bien reprocher des choses à ces pays autoritaires tels que Cuba. Mais une chose qui est sûre, c'est que là-bas, la culture reçoit sa juste place. Et au moins, les artistes sont pas obligés de quémander le peu qu'ils reçoivent. Bon. Parce qu'ici, le peu que reçoivent les artistes, ils sont obligés de le quêter à genoux. Ouais. Ouais. Et pour ceux qui s'intéressent, Frida, l'artiste, c'est Frida Kahlo, K-A-H-L-O. Oui. Puis l'actrice dans le film, c'était Salma Hayek. Ah, donc, très intéressant. J'ai entendu dire que le film était bon aussi. Le film Frida, c'était très réussi, il semblerait. Et donc, c'est pas très rock. C'est malheureusement pas très rock, mais je suis capable d'écouter des films qui traitent d'autres choses que de la musique rock ou des dessins animés. Heureusement pour moi, parce qu'il y a énormément de choses dans le cinéma plus général à découvrir qui sont excellentes. Et donc, le spectacle du Roi Lion qui avait été organisé par Julie Taymor, j'avais vu un reportage là-dessus et c'est un spectacle à grand déploiement. Ça y a donc donné la notoriété nécessaire afin de réaliser le film Across the Universe. On sait que confier du matériel qui a été créé par les Beatles à un réalisateur de film, c'est donner des schtroumpfs à Gargamel, là, on s'entend, on est d'accord. C'est n'importe quel réalisateur rêverait, d'après moi, de travailler avec la musique des Beatles. C'est sûr. Et en général, c'est assez difficile d'avoir les droits de ces chansons-là pour un film. Donc là, ils se sont gâtés puisque la totalité de la musique du film vient des Beatles. Et donc, en tant que tel, Across the Universe, ou à travers l'univers au Québec. Mais, je savais pas. Mais je vous suggère là, de l'écouter en anglais. J'espère qu'ils chantent pas les chansons en français toujours. Parce que des comédies musicales, je me rappelle de certaines séries. C'est certain qu'ils chanteront pas les chansons en français. Je l'ai seulement vu en anglais, donc je peux pas vous le confirmer ici. Mais j'en suis convaincu. Sinon, ça aurait aucun sens. Là. Des Beatles, ça se peut pas. Mais de toute façon, je vous suggère fortement de l'écouter en anglais. C'est indispensable. incroyable. Si vous aimez, ne serait-ce qu'un temps soit peu, la musique des Beatles, vous allez aimer le film. Et vous prenez la peine d'écouter ce film-là, écoutez-le en anglais. Si vous comprenez mal l'anglais, mettez-vous des sous-titres en anglais. Puis si vous comprenez vraiment, vraiment pas l'anglais, ben mettez-vous des sous-titres en français. Mais au pire. Mais c'est bien les sous-titres en anglais en écoutant le film en anglais parce qu'on lit qu'est-ce qu'il dit. Tandis que des sous-titres en français sur un film en anglais, je trouve que c'est moins approprié. Mais bon, ça reste mon opinion, mais je vous en conjure, écoutez le film en anglais. Oui. Ça vaut vraiment la peine, comme la plupart des films que je vous présente, de toute façon. Et c'est un film musical américain qui date de 2007, réalisé, comme on l'a dit précédemment, par Julie Taymor et écrit par Dick Clement et Yann Lafrenet. Le script est fondé sur une histoire originale inspirée des textes de 34 chansons des Beatles, réinterprétées par les acteurs du film. C'est pas les pièces des Beatles lip-syncées, c'est vraiment les gens dans le film reprennent la chanson. Oui, exactement. À la Glee, mais sans dire de on aurait pu penser, justement, que ça donne quelque chose comme Glee ou une espèce de remâchage morne et bouilli. Mais non, ce n'est pas le cas. Les reprises sont extrêmement fidèles aux originales, heureusement. Et aussi, les interprétations sont extrêmement bien exécutées. Je dirais que pour moi, à la base, avoir vu le film, j'aurais pensé que c'était un point négatif ou un point plus discutable, étant donné que j'adore les pièces originales des Beatles et que je suis un fan fini des Beatles. Mais non, finalement, après mûre écoute et réécoute du film, force m'est d'avouer que c'est même un des atouts du film. Comment ils ont bien réussi à réintégrer ça là, dans quelque chose de contemporain, même si l'action du film se déroule dans les années 70. Et donc, ça raconte l'histoire d'un personnage nommé Jude. Dans Hey Jude. Là. Comme dans Hey Jude, exactement. Il fallait évidemment qu'il puisse le placer quelque part. Exactement, mais bon, il y a une fille qui s'appelle Prudence. Il y a tous les noms là, des personnages dans le film viennent de chansons des Beatles. Mm. Et c'est un Britannique qui décide de se rendre en Amérique pour essayer de retrouver la trace de son père biologique. Et là, lui, à la base, il allait là seulement pour ça, mais arrivé en Amérique, il va se mettre à embarquer dans l'espèce d'émotion des années 60 là, américaine, d'espèce d'atmosphère révolutionnaire. Il va être contaminé par ça et il va finir par passer un bon bout de temps là-bas puis vivre toutes sortes d'aventures rocambolesques. Mais rocambolesques. Exactement. Mais à ce niveau-là, je veux pas trop vous livrer la sauce, étant donné que je suis persuadé que vous allez visionner cet excellent film constitué de la musique des Beatles. Parce que, bon, je veux dire, soit on aime la musique des Beatles ou soit on ne connaît pas la musique des Beatles. C'est aussi simple que ça. Ou on adore. On aime, on adore ou on connaît pas. Ouais, exactement. Puis moi, j'ai entendu des gens dire « j'aime pas les Beatles ». Puis j'ai fait « non, c'est pas que t'aimes pas les Beatles, c'est que tu connais pas les Beatles. » Non, moi, les affaires comme « Love Me Do », j'aime pas ça. Ah non, t'aimes pas « Love Me Do », mais après ça, je leur ai fait écouter le White Album, je leur ai fait écouter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et puis leur opinion a changé. C'est sûr. Même des gens qui aiment la culture hip-hop peuvent aimer les Beatles, puis je suis persuadé qu'il y a des tonnes de Beatles, des tonnes des Beatles qui ont été remixées à saveur R&B, de toute façon. Donc, tout le monde y trouve son compte, d'une façon ou d'une autre, avec cet excellent chef-d'œuvre qu'est Across the Universe. Et l'extrait que je vous ai amené aujourd'hui, c'est pas une interprétation c'est la sixième pièce. C'est pas une interprétation qui vient du film. Je vous ai amené la pièce originale qui est tirée du White Album. Parce que, bon, premièrement, ça aurait été un petit peu compliqué de mettre la main sur la trame sonore du film dans les délais prescrits. Mais aussi, j'ai un faible pour la version originale de la pièce qu'on va aller entendre. Il s'agit de Helter Skelter. On écoute ça dans le Dîner de cons, dans le segment de cuisses de Charlotte. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You Oui, c'était la pièce Helter Skelter des Beatles. C'est tiré du deuxième disque du White Album. Et les Beatles, même s'ils se passent souvent de présentation, il faut savoir que c'est une formation britannique de musique rock tout à fait indispensable à connaître. Ils sont originaires de Liverpool, composés de John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, et naturellement Ringo Starr. Oh oui. Il demeure, en dépit de sa séparation en 1970, l'un des groupes de musique les plus populaires au monde. En 10 ans d'existence et seulement 8 ans de carrière discographique, les Beatles ont enregistré 12 albums et composé plus de 200 chansons. Une productivité particulièrement remarquable dans la période entre 63 et 66, où entre les tournées incessantes et la participation à 2 longs métrages, ils ont publié 7 albums, 13 singles et 12 EP. Rien de moins. Considérés comme la bande-son des années 60, les chansons des Beatles ont marqué leur décennie ainsi que les générations suivantes et leurs mélodies ont été adaptées à de nombreux genres musicaux. Et aussi, on vient d'entendre Helter Skelter, qui est une pièce très particulière du White Album par son côté totalement sale et déjanté, on dirait presque du métal. Sinon, le White Album en tant que tel, qui est un des albums les plus importants de l'histoire de la musique rock, et c'est un surnom en tant que tel, l'album blanc, puisque le véritable nom de l'album, c'est The Beatles. Mm. Ce serait donc l'album homonyme du groupe. C'est un album qui est extrêmement varié. Je pense que d'ailleurs, c'était un des buts des Beatles en faisant cet album-là, que de démontrer leur versatilité. Et avoir d'excellentes informations sur l'album, je vous réfère au site d'Alain Lefebvre, rockclassique.net. Oui. Il en fait une excellente analyse. Je trouve ça même inutile de vous en parler plus longuement quand il y a d'aussi bonnes références de disponibles pour vous, chers auditeurs. Grâce à Cefou et grâce à Alain Lefebvre. Oui, exactement. Notre rockmaster préféré. Oh oui. Merci, Charles-André. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de Cefou. Assemblage requis. Et oui, celui qu'on retrouve en surprise totale, c'est notre ami Kiwan. Salut Kiwan. Hey, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé. Ça fait combien de mois, là, tout ça? Ça fait presque 2 mois, je crois. La dernière fois, c'était tout au retour des fêtes. Je vous parlais de mon voyage à Yellowknife. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Nous disais que tu avais un changement de vie là, qui s'en venait. Donc, ça s'est déroulé depuis. Hein.

le dîner de con un certain midi cette semaine. Un illustrateur, Jason Polan, eh bien, veut dessiner tous les habitants de New York. Il y a quand même plus de monde qu'à Saint-Étienne-des-Grès. Mais bon, un jeune dessinateur, Jason Polan, s'est fixé pour projet de réaliser le portrait de chaque habitant de New York, soit environ 8 millions de personnes. Il a entamé ce projet en 2008 et en a déjà produit jusqu'à ce jour 14 000. Mais c'est parce que t'en as 8 millions à faire, puis ça fait déjà 3 ans. Mais bon, après avoir dessiné ses modèles dans la rue, il poste chaque dessin sur son blog everypersoninnewyork.blogspot.com. Je vais mettre l'adresse promise sur la page Facebook du Dîner de con. Et sous chaque dessin, il met le lieu où celui-ci a été fait, ainsi que l'heure exacte. De cette manière, les habitants peuvent espérer retrouver leur portrait sur le site. Et il dit choisir ses modèles aléatoirement, en ne s'attardant parfois que sur un trait caractéristique d'une personne. Il décide très rapidement car il lui suffit à peine 2 minutes pour terminer son dessin. Pour ceux qui n'ont pas la pertinence d'attendre que Jason Polan leur tombe dessus par hasard, eh bien, il est possible de prendre rendez-vous avec l'artiste et pour cela, il suffit de lui indiquer l'endroit où vous trouverez et une rapide description afin qu'il puisse vous reconnaître. Mais l'artiste veut avant tout rester anonyme. Il faut donc être très ponctuel car vous ne vous rendrez pas même compte qu'il est présent, dans le sens il ne dira pas comment il est. Alors, ce n'est qu'une fois le dessin sur son blog que les habitants découvrent leur portrait. Hein? Quand même assez intéressant. Et puis, je vais mettre son site Internet sur la page Facebook du Dîner de con. On y va avec une autre petite nouvelle assez spéciale cette fois. Un chien qui mange les orteils de son maître pour l'aider. Ça paraît morbide, mais bon, plusieurs études sur le sujet sont parvenues à montrer que l'animal, et notamment le chien, pouvait être capable de détecter les maladies, et cela en raison de leurs nombreux récepteurs olfactifs. Vous le savez, Toutou a tout un nez. Les récepteurs olfactifs, là, juste pour vous dire, 220 millions pour le chien et seulement 50 millions. Mais seulement, c'est quand même pas mal, mais bon, 50 millions pour l'homme, c'est sans doute grâce à ça ou à cause de ça que la capacité d'un chien de la race Shibia, eh bien, a dévoré les 3 orteils de son maître durant la nuit alors que ce dernier souffrait de diabète. L'homme ne s'est rendu compte de sa mutilation qu'au petit matin, n'ayant ressenti rien parce que son pied est engourdi à cause, bien sûr, de cette maladie. Si l'animal souhaitait bien faire en aidant son maître à se débarrasser d'une zone infectée, eh bien, l'homme a tout de même décidé de se séparer de son compagnon à 4 pattes, tandis que le chenil qui s'occupe de lui aujourd'hui, eh bien, assurait du caractère très affectueux du chien et qu'il n'y avait aucune malice. Dans le journal 7 sur 7, eh bien, on note qu'il ne s'agit pas de la première histoire sur le sujet. Cet été, un Jack Russell avait également mangé l'orteil de son maître et puis des analyses médicales avaient alors montré que l'homme souffrait d'une infection osseuse repérée par l'animal. Quand même, hein, c'est pour bien faire, mais bon, les petites bêtes, des fois, ils savent pas trop faire la différence entre le bien et le mal, mais c'est pour bien faire. Hein? C'est comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Moi, je parle plus, c'est toi qui parles par-dessus la musique d'habitude. Vas-y. Ouais, mais j'ai appris de ma leçon. Puis... Bonjour, Maxime. Salut, coach. Les gars. Yes. Bon, aujourd'hui, je suis pas votre coach, je suis votre gourou. Là, oh! Ah! D'accord. Gourou, comme ça. Est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Oui. Oui. Comme à chaque matin? C'est important de déjeuner, il paraît. Oui, tout à fait. Mais je vois ta petite pâtisserie, là. Ouais. Elle me regarde du coin de l'œil. Ben, c'est un croissant, c'est pas une pâtisserie. Ben oui, c'est une pâtisserie, un croissant. Ah ouais? Ben, il y a de la pâte, là. Ah, écoute, je m'embarque pas dans ces discussions-là. Un strudel. Les choses que je connais pas, j'en parle pas. Ouais, parler à travers notre chapeau ou notre tuque, c'est selon. Ouais, je sais pas. Et ben, je me trouvais trop sérieux, pas de tuque. J'avoue, hein, t'avais l'air trop straight. Oui. Est-ce qu'on l'entend ou on continue à discuter comme ça? C'est intéressant, par exemple. On a beaucoup de plaisir. On se croirait comme des amis. Comme, ouais.

Côté science et technologie, eh bien, une voiture électrique qui fait le 0,60 km en 6 secondes, quand même assez intéressant. Elle est nommée la Smart 4 Speed, excellent. Et on doit ce concept au fabricant allemand Daimler. Et puis, la voiture est compacte et possède deux sièges, sans toiture ni vitre latérale. Elle affiche un design contemporain et stylé. On dirait que je fais la pub, hein? Elle est rendue légère grâce à sa carrosserie réalisée avec du plastique et à renfort de fibres de verre. Contrairement à la majorité des voitures électriques, eh bien, la Smart 4 Speed est plutôt rapide. Elle passe de 0,60 km en seulement 5,5 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 120 km/h. Et cela est rendu possible grâce à son moteur électromagnétique qui délivre une puissance de 30 kW. Ce n'est pas tout. Par simple appui d'un bouton Boost, on peut ajouter 5 km/h de plus à la puissance du moteur pour plus de vitesse, pour un petit dépassement ou quelque chose du genre. Smart 4 Speed se charge par prise secteur de 220 volts en moins d'une heure et elle refait le plein de charge pour une autonomie. Donc, de combien de temps? On ne sait pas. Le pare-brise intègre des cellules photovoltaïques. Et puis, c'est intéressant. Le pare-brise intègre des cellules photovoltaïques. Et puis, la 4 Speed a été présentée au Salon de l'Auto de 2011 de Genève. J'espère qu'on va en avoir ici bientôt, car on fait quand même quelques temps qu'on entend de parler de cette voiture, la Smart 4 Speed. On y va maintenant avec les lois les plus stupides concernant les chiens. Eh bien oui, interdire aux chiens de se battre avec les chats ou avoir des relations sexuelles entre eux, ça peut nous paraître absurde, mais bon, des lois comme ça existent dans le monde. Et puis, grâce au site Zigonet, eh bien, je vous les partage. Quand on regarde certaines lois sur les animaux, on se demande souvent qui a bien pu y penser. On vous propose de découvrir les lois les plus grotesques par rapport aux chiens. Si vous vous rendez en Iran, par exemple, sachez qu'il est interdit d'avoir un chien comme animal de compagnie, sauf s'il s'agit d'un chien de garde ou de chasse. Par ailleurs, si vous avez affaire avec la police de Paulding dans l'Ohio, ne vous étonnez pas si l'agent vous se met à vouloir mordre votre chien pour le calmer. Hein? L'agent se met à vouloir mordre votre chien pour le calmer. OK. Par contre, en Caroline du Nord, les chiens et les chats sont tous au courant qu'ils n'ont pas le droit de se battre entre eux. Il y a un autre site Internet, le 7 sur 7, qui rapporte également qu'il est interdit à Venturi County, donc en Californie, aux chiens et aux chats d'avoir des relations sexuelles sans permis. Et plus bizarre encore, dans le Colorado, la fourrière doit afficher durant 3 jours une photo de l'animal qu'elle souhaite attraper. Au moins maintenant, ils sont prévenus. Dans ce même état, à Boulder, on ne peut pas posséder un animal de compagnie car il ne peut y avoir de maître juridiquement parlant. Il n'y a que des nourrices pour animaux. Comprenez? On joue sur les mots. En Grande-Bretagne, à Lancashire, les propriétaires de chiens n'ont pas le droit d'inciter leur animal à aboyer. Et puis, s'ils sont arrêtés sur le front de la mer. OK, donc si t'es sur le bord de la mer, t'as pas le droit de faire japper ton chien. OK? Et puis à Londres, les chiens enragés ne doivent pas être transportés dans un taxi. Non, c'est mieux pas. Et dans la ville de Turin, en Italie, c'est certainement un lieu assez spécial où l'on prend le plus grand soin des animaux. En effet, les propriétaires risquent une lourde amende s'ils se promènent. S'ils ne promènent pas leur chien au moins 3 fois par jour, vous pouvez prendre une amende à Turin, en Italie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Je la chérirai à jamais. Je me sens. Oh,

Denis Janvier, Bio Bazar avec Crazy Ride à Assemblage Requis. On rappelle l'événement, c'est le 19 mars à 20h, le Bio Bazar Bazar, électro trance jazz. Pour les billets, c'est la billetterie de Trois-Rivières au 819-380-9797. Et puis c'est au Centre culturel Pauline Julien de Trois-Rivières au 150 rue Fusée. Oui, juste à côté du parc où on peut patiner. Là. Ah. Il y a comme un lac artificiel et puis une fontaine. Et puis, il y a un McDonald's juste en face. Un McDonald's. Bon, mais ça envahit ça, la planète au complet. Hein? C'est McDonald's. Ça se tient pas loin des parcs. Faut faire attention. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils font chez McDonald's? C'est bon. Des biscuits trop épais et qui goûtent mauvais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis nous, on va débuter tout de suite à l'instant avec nos nouvelles du monde insolite. Eh bien, on va parler de l'homme qui pourrait devenir le plus petit au monde. Donc, s'il garde sa taille actuelle, soit 56 cm, c'est pas beaucoup, hein? C'est moins que deux règles. Tu sais, une règle, c'est 30 cm. Même pas deux règles. Il s'appelle Journey Balawing, originaire des Philippines. Il deviendra l'homme le plus petit du monde en juin prochain, où il fêtera ses 18 ans. Le record est actuellement détenu par le Népalais Kajendra Tagamagar, qui mesure, lui, c'est un grand comparé de l'autre, 65,5 cm. C'est hallucinant. Et l'autre, il le regarde comme ça. Là, comme ça. Et puis, sinon, Journey Balawing n'a pas grandi depuis qu'il a un an. C'est triste. Ah oh oui, hein, c'est dommage. J'y en donnerais volontiers un peu parce que je me cogne toujours la tête partout. Ses parents se sont bien sûr inquiétés, mais les médecins ne savaient pas d'où venait le problème. Leur seul conseil a été de lui donner plus de vitamines et sans succès. Aujourd'hui, l'adolescent est fier de son futur record, même si ses jambes fragiles le rendent dépendant des autres. En effet, sa mère explique qu'elle doit continuellement le surveiller et l'aider. Journey Balawing a trois frères et sœurs, tous beaucoup plus grands que lui. Et pendant qu'ils sont à l'école, lui reste à la maison avec sa mère. Il nous dit que détenir ce record semble aujourd'hui être devenu la seule priorité de ce jeune homme. Je le cite, « Si je suis le plus petit homme du monde, ce serait très cool », avoue-t-il. Bon, tant qu'à ça, il va être au moins le plus quelque chose. Ben, exactement, mais je veux dire, il y a des tas de gens qui sont tristes parce qu'ils trouvent qu'ils ont rien de particulier. Donc, réjouis-toi, petit homme, d'avoir quelque chose de si particulier en toi. Exact, puis il va pouvoir jouer des rôles de magicien ou de nain ou de gnome dans des films. Ben, il va probablement pouvoir jouer au cinéma, mais l'autre, là, qui est plus grand que lui, là, il fait quoi, 10 cm de plus? À peu près. Moi, je pensais qu'il y aurait eu une différence plus petite que ça encore. Mais c'est quand même pas mal, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est quand même... je veux dire, le 1/6. Mais c'est pour personne. Ça qu'on peut prédire que d'ici le mois de juin, ils ne prennent pas 10 cm. Là. Ben non, surtout que ça si fait pas... un an. Depuis qu'il y a un an qu'il n'a pas grandi. Mais moi, j'aimerais bien ça qu'on organise un match de lutte entre les deux. Ouais, il y a de la misère à bouger qui dit ses petites jambes sont fragiles. Oh, c'est vrai. Ça, c'est plate. C'est un peu triste. Hein. C'est ça qui est plate. Ouais, ça va aussi le réduire dans ses. Capacité à jouer au cinéma aussi, j'imagine, ça en manque de motricité, mais donc ça y fait vraiment quelque chose à être petit. De plus que les autres. Oui. Hein? Je pense que c'est hier ou avant-hier, je parlais d'un serpent qui avait mordu le sein d'une animatrice. Là. Oui, triste bon, histoire. Ben oui, c'est très triste, mais bon, encore beaucoup plus triste. Eh bien, le serpent qui a mordu Orit Fox est mort empoisonné au silicone. Non. Oui. Il y a quelques jours, ce mannequin israélien, Orit Fox, a été victime, bien sûr, de cette morsure de serpent. Elle a été immédiatement hospitalisée pour une blessure superficielle qui a été fatale à l'animal. En mordant la jeune femme, le serpent a en effet ingéré du silicone contenu dans les implants mammaires du mannequin. Ne supportant pas la substance, il est décédé d'une intoxication à ce produit. C'est hallucinant comme nouvelle. Ben oui, mais je pensais, ça veut dire qu'elle a des vieux seins, parce qu'à ce temps, les nouveaux faux seins, c'est de l'eau salée. C'est pour pas. Ça je faisais la blague, l'inondation. Mais donc, je veux dire, en même temps, c'est dur après ça de cacher que t'as des faux attraits. Là. Ben là, fait que le serpent est mort, après ça, il est un peu tard. Je pense qu'en 2011, il n'y a plus grand monde que ça les dérange, faux attraits, pas faux attraits. Ben, dans certains milieux, je parle. Dans certains milieux, en effet, parce que moi, personnellement, j'aime le plus naturel possible. Oh oui, mais si t'aurais la chix devant toi qui veut que c'est ta femme pour la vie, qu'elle t'aime, puis je pense que c'est pas ça qui va t'empêcher si elle a des super seins. C'est vrai. Je pense que ça va même t'allumer. C'est vrai, je dis pas le contraire, Danny, mais d'un autre côté, mettons, allons plus loin. C'est pas ce que tu cherches.

excusez-moi, c'est que parfois, les mots exotiques, j'ai de la difficulté à les prononcer. Et donc, chez les Sénoï, le monde onirique était plus riche d'enseignements que la vie réelle. Si un enfant disait avoir rencontré un tigre et s'être enfui, on l'obligeait à rêver à nouveau du félin la nuit suivante, à se battre avec lui et à le tuer. Les anciens lui expliquaient comment s'y prendre. Si l'enfant ne réussissait pas à venir à bout du tigre, toute la tribu le réprimandait. Et donc, dans le système de valeurs Sénoï, si on rêvait de relations sexuelles, il fallait aller jusqu'à l'orgasme et remercier ensuite dans la réalité l'amante ou l'amant désiré par un cadeau. Face aux adversaires hostiles des cauchemars, il fallait vaincre puis réclamer un cadeau à l'ennemi afin de s'en faire un ami. Le rêve le plus convoité était celui de l'envol. Toute la communauté félicitait l'auteur d'un rêve plané. Pour un enfant, annoncer un premier essor était un baptême. On le couvrait de présents, puis on lui expliquait comment voler en rêve jusqu'à des pays inconnus et en ramener des offrandes exotiques. Les Sénoï séduisirent les ethnologues occidentaux. Leur société ignorait la violence et les maladies mentales. C'était une société sans stress et sans ambition de conquête guerrière. Le travail s'y résumait au strict minimum nécessaire à la survie. Les Sénoï disparurent quand la partie de la forêt où ils vivaient fut livrée au défrichement. Cependant, nous pouvons tous commencer à appliquer leur savoir. Tout d'abord, consigner chaque matin le rêve de la nuit, lui donner un titre et en préciser la date. Puis, en parler avec son entourage au petit déjeuner, par exemple. Aller plus loin encore en appliquant les règles de base de l'onironautique. Décider ainsi, avant de s'endormir, du choix de son rêve, faire pousser des montagnes, modifier la couleur du ciel, visiter des lieux exotiques, rencontrer les animaux de son choix. Dans les rêves, chacun est omnipotent. Le premier test d'onironautique consiste à s'envoler. Étendre les bras, planer, piquer en vrille, remonter, tout est possible. L'onironautique... Et c'est vraiment l'onironautique qui est pas facile à prononcer, demande un apprentissage progressif. Les heures de vol apportent de l'assurance et de l'expression. Les enfants n'ont besoin que de 5 semaines pour pouvoir diriger leurs rêves. Chez les adultes, plusieurs mois sont parfois nécessaires. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus magnifique que de faire comme « Wow, hey, je suis en train de rêver. Ça veut dire que je peux contrôler mon rêve. Ah, je veux de la tarte à la meringue. » Puis là, il en apparaît, puis tu te réveilles pas, puis tu manges de la tarte à la meringue. Ça m'est arrivé une fois, et pour vrai, là, c'était la plus belle nuit de ma vie. Et on passe quand même en moyenne le tiers de notre vie à dormir. Il faut donc que ça soit des heures de qualité si on veut que notre vie soit agréable. Parce qu'il y a d'abord le tiers de notre vie qui va en souffrir si on dort pas bien. Et en plus, qu'on sait avoir mal dormi, ça a une répercussion sur notre journée. Donc, le sommeil indispensable pour avoir une vie saine et agréable. Et une façon d'apprécier son sommeil, c'est de capitaliser sur les rêves. Et c'est pour ça que je vous amenais l'expertise, de ce peuple exotique. Mais c'est merveilleux. Puis moi aussi, ça m'est arrivé quelques fois. Faut vraiment se motiver pour se conditionner à rêver à certains trucs. Mais ça marche. Oui, ça fonctionne. Ça peut vraiment fonctionner. Qu'à chaque fois, ça va marcher. Mais j'ai déjà réussi à retourner dans des rêves que j'avais déjà faits, que je trouvais agréables. Que tu voulais revivre. Puis ça, c'est extrêmement agréable, réussir à retourner dans un univers qu'on a visité comme ça. Et pour ceux qui en douteraient, là, je vous le confirme, en chaque être humain, il y a un véritable monde qui vit, un monde à la fois imaginaire, mais aussi qui est empreint de réalité. Il est vraiment concret dans la mesure où est-ce que on le cultive en rêvant, en imaginant et c'est important d'avoir des activités créatrices dans la vie. Le sport, l'art, ce sont des choses qui sont indispensables en plus du travail et de l'alimentation à une vie vraiment équilibrée. Et donc, je vous encourage à choisir vos rêves dans l'allégresse la plus totale. Merci Charles-André Lambert. Et maintenant, côté musique. Donc, tu te rappelles que c'était la 8e pièce oui, de cette compilation intitulée Mothership, qui est une compilation de la célèbre formation britannique Led Zeppelin. Et je vous ai amené un excellent extrait aujourd'hui. Il s'agit de la pièce Immigrant Song. Vas-y. Oh! Oh, magnifique! J'en suis bouche bée tellement c'était bon. Immigrant Song, n'est-ce pas là une pièce magnifique d'une formation tout aussi magnifique? Led Zeppelin, les dieux du rock. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus admirable que cette formation-là? Probablement mon band, mais bon... moi, je peux t'en nommer plein. J'aime mieux pas parler trop vite parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, Led Zeppelin pourra aller se rhabiller. Mais blague à part... rien de moins, rien de moins. On peut toujours rêver. Ben, on peut dire des niaiseries, on est au dîner de con. Oui, et surtout qu'on parlait des rêves juste avant de se laisser en musique. On revient sur le même thème, rêver d'être plus grand que Led Zeppelin. C'est être grenouille qui rêve d'être plus grosse que le bœuf, naturellement. Car c'est un groupe indispensable à tout amateur de musique rock. Groupe fondé en 1968 par Jimmy Page à la guitare et Robert Plant au chant, John Paul Jones à la basse et au clavier, chose surprenante, et John Bonham à la batterie, dissous suite au décès de ce dernier en 1980. Et Led Zeppelin, qui dans les années 70 était un des groupes à livrer les meilleures performances live, entre autres à cause que leur groupe est essentiellement basé là-dessus. Led Zeppelin, c'est pas tant à propos des chansons que des performances live qu'ils livraient. Ils avaient capitalisé là-dessus. Et d'ailleurs, leurs pièces étaient souvent totalement refondues et retravaillées en spectacle. On pense par exemple à une version de Dazed and Confused qui dure 45 minutes qu'on a la chance d'écouter sur BBC Sessions, qui est du matériel enregistré à la BBC, réédité par Robert Plant récemment. Robert Plant, Jimmy Page. C'est Jimmy Page qui s'est donné comme mandat de remasteriser et retravailler les bandes originales de Led Zeppelin autant que certains bootlegs pour arriver à un peu diversifier le catalogue, étant donné qu'il semblerait que Robert Plant soit un peu fermé à l'idée d'un retour là, de Led Zeppelin. Il vient de sortir un nouvel album, j'ai pas entendu qu'est-ce que ça donnait. J'ai eu quelques commentaires qui stipulaient que c'était pas mal en tant que tel, mais que c'était malheureusement jamais aussi glorieux que ce qui avait pu être Led Zeppelin. Je veux dire, même le moins bon de Led Zeppelin est meilleur que ce que fait Robert Plant à lui seul, étant donné que l'union fait la force dans le rock comme dans toute chose. Et sinon, Immigrant Song, qui est un extrait du troisième album de Led Zeppelin, intitulé Led Zeppelin 3, qui est paru le 5 octobre 1970 sur le label Atlantic Records. La plupart des chansons ont été composées dans le cottage des membres du groupe Brown Year Or, qui est comme un célèbre lieu de composition pour le groupe, il semblerait. Et donc, Immigrant Song, écrite par Jimmy Page et Robert Plant, a pour sujet les invasions par les Normands de l'Angleterre, une tradition ironique de l'immigration, et a été inspirée par les concerts précédents de la bande en Islande. Et Out on the Tiles, autre pièce importante de cet album, est une chanson composée par John Bonham, batteur de Led Zeppelin. Le riff principal a été utilisé pour ses solos à partir de 1977. John Bonham aussi qui nous servait des solos de batterie tout à fait hallucinants sur les pièces, la pièce Moby Dick. Puis des batteries qui ont été beaucoup reprises par les Beastie Boys. Je sais pas si vous saviez. Ah non, je savais pas. La plupart des drums là, du début, puis même après, souvent les drums étaient samplés C'est une excellente idée. De sample de John Bonham et de Led Zeppelin. John Bonham, qui est considéré à juste titre comme un des plus grands batteurs de l'histoire du rock, et puis malheureusement, qui est parfois sous-estimé par d'autres, à mon avis à tort, à cause qu'il était véritablement très créatif. Il a transformé le drum rock en instrument à part entière. On sait qu'il y a des fois des petits calembours qui sont faits par rapport aux drummers de rock. Avec John Bonham, il n'y en a plus un qui tienne. C'est vraiment un instrument à part entière de la façon qu'il l'interprète. Donc, Immigrant Song, Led Zeppelin 3 et la formation en tant que telle, Led Zeppelin, que j'étais aujourd'hui très heureux de vous présenter pour constituer la lettre L de ma chronique du rock alphabétique. On va passer directement à la lettre M la semaine prochaine. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.